adultère quand tu t'ennuies, ennuyeuse quand t'es au lit. T'as bien changé en 10 ans depuis que je gagne de l'argent. T'es la femme que j'imagine, le corps troué de chevrotine. T'es la femme que